Mes bien chers frères otakiens, otakiennes, merci d'être ici parmi nous en ce jour béni. Dieu manga nous regarde et nous dit « Croyez en moi, croyez en au Seinen, au Shonen, au Shoujo, au Kodomo. » Dites après moi « Morning Otak !» Morning Otak! Morning Otak! Oh, Morning Otak! Morning Otak, c'est tous les 15 jours, le dimanche, entre 10h et midi, sur un live Facebook et sur radioanime.net. Bonjour, c'est Yota et je vous souhaite la bienvenue dans ce 44e numéro de Animé nos mélodies. Avant de commencer, un petit mot concernant le concours pour fêter les 5 ans de Animé nos mélodies. La question était, qui a composé les musiques de Seizan Eyes ou 3x3 Eyes ? Il s'agissait de Kaoru Wada, qui est aussi le compositeur des musiques de la série et des films de San Mobius, de la série télé des Chroniques de la Guerre de Lodos et bien d'autres encore. Notre gagnant du mois, ou plutôt notre gagnante, est Lilik, qui a proposé sa réponse via Twitter. Bravo à toi Lilik! Pour ce mois-ci, retrouvez le jeu pour gagner un nouveau CD sur le site de radioanime.net que vous retrouverez en description et répondez à la question proposée pour gagner un nouveau CD rétro d'un dessin animé japonais. Pour ce nouveau numéro, nous allons remonter le temps avec Fire Tripper et nous jeter corps et armes dans le feu avec Arc Slade The Animation. あの色に、あの熱に、あの音に、 あの公園にあの場所に Venez d'écouter Paradoxe, chanté par Kaoru Akimoto. Suzuko, une jeune collégienne, fait souvent des cauchemars où il lui semble être prise au piège dans une maison en flammes alors qu'elle n'est encore qu'une enfant. Un jour qu'elle rentre à pied chez elle avec Shuei, son ami d'enfance, les voisins, qui viennent de se faire opérer de l'appendicite, se font prendre dans une énorme explosion de gaz. Lorsque Suzuko se réveille, elle se retrouve au milieu d'un champ de cadavres, à l'époque Muromachi, en pleine guerre d'Onin, la guerre civile au Japon qui a eu lieu entre 1467 et 1477. Elle y rencontre un jeune homme nommé Shukumaru, qui vient à sa rescousse et, une fois sauvé, il la ramène à son village tout en proclamant qu'il va épouser Suzuko. Shukumaru va lui présenter alors sa petite sœur Suzu. Suzuko va peu à peu comprendre qu'elle-même ne serait pas née dans les temps modernes, mais à cette époque troublée, et que Shukumaru serait plus proche d'elle qu'elle ne le pense. Les Remix World, dont fait partie Fair Tripper, fait référence à une série de brèves histoires de manga écrites par Rumiko Takahashi, ou à une série d'animation vidéo originale basée sur ces histoires. Remix World a ensuite été réimprimé au Japon sous le nom de Takahashi Rumiko Keisatsu Tenpaichu. La plupart des histoires sont des comédies romantiques, mais aussi fantastiques, voire d'horreur. Keishi Oku est né le 14 octobre 1955 dans la préfecture de Shiga, au Japon. Claviériste, compositeur et arrangeur, il fit partie d'un groupe japonais nommé Spectrum de 1979 à 1981. Après la dissolution de Spectrum, il participe à plusieurs sessions d'enregistrement en tant que musicien de studio. Et peu de temps après, il commence à travailler comme compositeur et arrangeur pour de nombreux artistes, tout en sortant le 21 mars 1981 son premier album solo, Misty Morning. En 1983, il commence à être reconnu et on lui propose la composition du film Miyuki, avec un autre compositeur célèbre, Mitsuo Agita, connu pour les musiques des chroniques de la guerre de l'Odos, les OAV, et Gundam 0083 Stardust Memories. En 1984, nous apprenons à mieux le connaître, notamment en France grâce à la composition des musiques de Wingman, qui sera diffusée dans le Club Dorothée beaucoup plus tard, et en 1985 avec celle de Amy Magic. Il travaille sur plein de séries, malheureusement méconnues en France, mais il a aussi écrit les musiques de Marmalade Boy, Dirty Pear Flash, Crusher Joe, etc. Depuis avril 2005, il est professeur invité au collège de musique Sanzoku Gakuen pour le cours de musique et de design sonore. Et en 2009, il remporte le prix international Jazzrak pour le soundtrack de la série télévisée Ashita no Nadia, produit par la Toei Animation. Dans les titres les plus récents, il y a donc Ashita no Nadia, passé sur M6 en France, mais aussi Peacemaker Kologane, ou les musiques des franchises Digimon et Ojomajo Doremi. On écoute tout de suite Fire Tripper. We'll be right back. Thank you. Elk est un jeune et talentueux chasseur de primes qui possède la capacité de contrôler le feu, transmis de génération en génération par les habitants de son défunt village. Alors qu'il n'était qu'un enfant, le garçon a assisté à la mort de ses parents et de celle de tous les villageois adultes attaqués par des soldats venus à l'origine dans le but d'emporter la statue représentant l'esprit du feu. Les seuls souvenirs du jeune homme sont ceux de la mort des siens et un engin volant nommé le Silver Noah. Les adultes étant morts, les ravisseurs amenèrent tous les enfants dans un centre secret, The White House, pour y subir des expériences génétiques. Elk réussit à s'échapper, laissant la mort dans l'âme, ses amis derrière lui. Il est recueilli par un chasseur de primes nommé Shu, qui rapidement lui apprend les ficelles du métier. Mais il garde au fond de lui une profonde colère envers The White House et recherche activement le Silver Noah. Elk découvre que ce vaisseau appartient à un homme nommé Ark, recherché par la justice. Elk n'a qu'une obsession, traquer Ark et lui faire payer la destruction de son village dont il le croit responsable. Lors d'une mission de sauvetage d'un ballon dirigeable, il fait la connaissance d'une jeune fille, Liesa, traquée par des individus assez louches appartenant à une organisation nommée la Chimère. Cette jeune fille possède le don de parler aux monstres et aux animaux sauvages. D'ailleurs, elle est toujours accompagnée de Pandy, une sorte de loup des glaces. Commence alors une course-poursuite infernale pour nos deux fugitifs. Tous deux partiront à la recherche des origines de la chimère et des raisons pour lesquelles cette organisation cherche à capturer la jeune fille. En plus de cela, Elk n'oublie point sa volonté de trouver et détruire The White House et de capturer Ark. Vous venez d'écouter le main theme de Hard Light the TV Animation, composé et réarrangé par Masahiro Hondo, qui est aussi le compositeur des musiques du jeu vidéo Ark the Lade. Comme vous l'aurez compris, cette série de 1999 en 26 épisodes, produite par Sony et réalisée par le studio B-Train en 26 épisodes, reprend l'histoire du second jeu. Nous y retrouvons tous les personnages du premier opus et une partie du second. En fait, seuls sont exploités Elk, Chu, Eliezer et Pandy, les autres personnages apparaissant soit très rapidement, voire de manière inexistante. Dans un sens, c'est plutôt normal, il est déjà difficile de faire cohabiter deux équipes. Il en va à peu près de même pour l'équipe du premier opus. Tous sont présents, mais tous n'ont pas un rôle important. L'histoire est découpée en deux parties. La première représente le combat de Elk et de Liesa, et la seconde représente la rencontre du jeune chasseur de primes et du fugitif Ark. La série, tout comme les jeux, jongle entre le fantastique, l'heroic fantasy, la science-fiction et l'horreur. Certains épisodes vous font d'ailleurs beaucoup rencontrer d'émotions, et il y a souvent des moments touchants comme l'épisode 13 qui vous fera vraiment pleurer, qui clôture la première partie de la série. Les 26 épisodes ont été regroupés en DVD dans une version intégrale chez l'éditeur Dybex. La musique a été composée par Michiru Oshima. Michiru Oshima est née à Nagasaki au Japon en 1961. Elle étudie la musique au Kunitachi College of Music et est diplômée au département composition. Depuis ses débuts dans les années 80, elle a travaillé dans tous les secteurs audiovisuels pour la télévision, le cinéma, l'animation ou encore le jeu vidéo. Encore aujourd'hui, Michiru Oshima est aussi bien compositrice qu'arrangeuse, notamment dans la partie musique classique. Ses collaborations nombreuses témoignent de sa virtuosité à s'adapter à tous les genres. Nous connaissons tous au moins une de ses compositions. Elle est notamment célèbre pour la première série de Fullmetal Alchemist et de son film Conqueror of Shambhala, pour lesquels elle remporte en 2006 le prix de la meilleure musique au prestigieux Tokyo Anime Award. En 2011, elle signe la musique du film événement Bouddha, adaptation du chef-d'œuvre d'Osamu Tezuka. Toujours dans l'animation, ses musiques pour Kaze no Teriyaku, The Western Continent, avec le fabuleux générique interprété par Akino Arai, Nansu no Umi no Tiko, Tiko et ses amis en français, dont je vous ai déjà parlé, The Tatami Galaxy, Gale Force The Revolution, Lord of Unite, Queen Emeraldas, Solano Woto, Nabari, Little Witch Academia, témoigne de son grand éclectisme. Dans le jeu vidéo, elle signe des arrangements pour Suikoden, Ark the Lade ou encore The Legend of Zelda Twilight Princess. Mais c'est pour ses compositions du jeu Ico, réédité récemment en HD, qu'elle est célèbre auprès des joueurs. On écoute tout de suite les musiques de Ark the Lade The Animation. Thank you. 笑ったかあまり覚えてないのですが、とても元気に笑っていたので、もういないなんて本当に夢のようです。So we can do. してほぼ生活をしています。でも大丈夫、私は生きています。一生懸命、あなたの分も。 I choose to live. I choose to live. Vous avez écouté il y a quelques minutes le premier ending, Tomorrow, chanté par le groupe, le duo plutôt, Nina, et juste à l'instant, le deuxième ending de Nina, Rest in Peace. Animé nos mélodies, c'est terminé. J'espère que vous avez aimé ce nouveau numéro. Comme à chaque fois, je remercie mes partenaires RadioAnime.net, Franky Anime Live, The Sun Squad et City Pop Radio avec les animateurs Chris et Christy Yukigami. Et toujours un grand remerciement à Yannick Rowe pour les musiques et l'opening de l'émission. On se quitte pour le mois prochain. Je vous laisse avec On Your Mark, chanté par Cheech et Asuka. Et n'oubliez pas que la musique d'anime, ce n'est pas que pour les Japonais. I'm not さな空き地で断崖に降り落とした言葉の夕立ち、答えを出さない、それが答えのような、針の消えた時計の文字を読むような、君と僕全てを認めてしまうにはまだ若すぎる。 See